Kanyanga. Serafine Akizimane de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Le carburant d'une quantité non encore connue, saisi par le procureur général près la cour d'appel d'Ngozi, était destiné au déplacement des vaccinateurs à propos du gouverneur de la province Ngozi lors d'un point de presse de ce mardi. Les troupes burundaises en mission de maintien de la paix dans le district de Shawadley de l'État fédéré de Hirshabelle en Somalie sur le pont unique facilitant le trafic sur la rivière dite Shabelle apprécient la collaboration avec la population et l'administration locale. Vous l'entendrez dans le reportage de notre confrère Omer Douayo. Il est de retour de la Somalie. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique annonce que le corps éducatif sera sensibilisé sur les conduites à tenir face à la variole du singe avant la rentrée scolaire. Le ministre François Habzalimana l'a dit ce lundi au cours d'un point de presse. Le feu tricolore facilitant la circulation des engins motorisés et des piétons en mairie de Bujumbura. Certains fonctionnent, d'autres sont en panne. Des personnes rencontrées déplorent le fait que ces tricolores ne soient pas fonctionnels au moment où ils devraient diminuer les cas d'accident. Bienvenue à cette actualité. Cap sur Ngozi pour ouvrir cette édition, le carburant d'une quantité non encore connue, saisi par le procureur général après la cour d'appel d'Ngozi, était destiné au déplacement des vaccinateurs. Propos du gouverneur de la province Ngozi lors d'un point de presse de ce mardi. Le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, parlait d'une saisie faite sans avoir communiqué. Le procureur général se réserve à propos et dit attendre l'autorisation de ses supérieurs. Pourtant, lors d'une conversation faite entre les deux autorités, le procureur général Prosper Yamourevnié refuse de remettre ce carburant, arguant que tout carburant transporté de façon non autorisée doit être saisi, quel que soit son propriétaire. N'est-ce pas Apollinaire Moussakar? Dans son point de presse, le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, précise que le carburant saisi par le procureur général près la cour d'appel de Ngozi était destiné au vétérinaire communal de Mumba en vue de faciliter la vaccination dans sa commune. D'où le gouverneur demandait qu'il soit remis comme on l'entend dans une conversation faite entre les deux responsables, conversation qui a été enregistrée. Le gouverneur Désiré Minani déplore la mauvaise communication entre les deux autorités à propos de son carburant et souhaite qu'elle soit améliorée. Contacté à propos, le procureur général près la cour d'appel de Ngozi s'abstient de tout commentaire et nous renvoie au porte-parole du ministère de la Justice. Pourtant, à travers cette conversation enregistrée, le procureur Prosper Yamourevnié refuse de remettre son carburant, expliquant que tout carburant aperçu étant dans une voie illégale doit être saisi. À propos, le gouverneur Désiré Minani parle d'une autorisation de transport en bidon par le ministère concerné. Le service vétérinaire du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage a octroyé à la province de Ngozi du carburant dans le cadre de vacciner. Dans toutes les communes, il y a aussi des carburants poursuivis. C'était dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette campagne vaccinale. Et ce carburant avait une autorisation de transport en bidon. L'autorisation avait été donnée par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique par son autorisation référence 760/CAP/2537/2024. Il était question d'acheminer son carburant. Le service vétérinaire du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage devrait acheminer son carburant dans les diverses stations-services conventionnelles. Ici, en Ngozi, c'était la station Ebopépé qui a reçu son carburant. Et les vétérinaires communaux sont venus s'approvisionner en bidon avec une autre autorisation. Ce malentendu entre les deux autorités risque d'aggraver leurs relations selon toujours le contenu de cette conversation. À ceux qui disent que le carburant vendu au marché noir est celui dit réservé à telle ou telle autorité ou institution, le gouverneur de la province Ngozi le rejette et parle plutôt du carburant réservé à tel ou tel service comme les hôpitaux et autres. Donc Ngozi Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Page agriculture. À présent, plus de 2000 tonnes du café parche ont été déjà réceptionnées dans l'usine de départchage de l'ODK située en Gagara dans la campagne Café 2024-2025. Jean-Dodieu Nindavira, administrateur directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, dans un point de presse de ce lundi, a également signalé que des fuites du café parche vers les pays limitrophes et de 37 tonnes et ont été saisies. On l'écoute. Pour l'ODK, la quantité de café parche déjà réceptionnée à son usine d'Ongagara est de 2 653 kg sur environ 4000 tonnes. Attendu. Parmi 1062 tonnes sont déjà usinées, produisant ainsi 850 tonnes 980 kg de café vert. Nous enregistrons déjà des fuites de café, tant vers du café vert que du café parche vers les pays limitrophes. La synergie entre l'ODK, l'équipe à la présidence chargée du suivi de l'exploitation du café édité, la police nationale, l'administration à la base et la population tout entière a permis la saisie de 49 tonnes 318 kg et qui sont déjà transmis au niveau des stocks de l'ODECA. Il s'agit, entre autres, en province Kirundo, de 10 000 tonnes 420 kg, province Lumonge, 17 tonnes 410 kg, province Makam, 5 tonnes 810 kg, province Kayanza, 1 tonne 530, province Ngozi, 2 tonnes 766, Changuzo, 11 tonnes 382, Gitega 240 kg, Muramvya 1 tonne 900 kg, Karusi 30 kg. Et quant à la gestion du café wash durant cette campagne, l'administrateur d'État général de l'ODK précise que les collecteurs vont adresser une demande d'autorisation à l'ODK et sont obligés de payer la taxe communale de 46 francs bout par le kilo sur base du prix d'achat du café cerise. Encore une fois, l'administrateur directeur général de l'ODK. À ce qui concerne la gestion du café washed durant cette campagne, en se référant aux modalités pratiques d'achat et de vente du café parche washed entreprise au cours des dernières campagnes café, la gestion du café washed au cours de cette campagne café va se suivre de la manière suivante. Premièrement, les collecteurs capables d'acheter ou de collecter le café washed vont adresser une demande d'autorisation à l'ODK avec un sous-couvert de l'autorité administrative de la commune d'intervention. Cela va faciliter l'accès aux données par rapport à la production et à la collecte du café au niveau de chaque commune. La lettre doit mentionner l'usine de destination pour le dépachage. Après avoir établi la liste des commerçants ou coopératives éligibles de la part de l'ODK, l'administration va communiquer les places ou les lieux où le café washed sera vendu ou acheté. Tout collecteur de café washed est tenu de payer la taxe communale équivalente à la quantité de washed collectée à hauteur de 46 francs par kilo sur base du prix d'achat du café cerise fixé par l'État. Au cours de la campagne café 2024-2025, le prix d'achat du café parche washed est déterminé sur base du prix de la cerise B. Le prix minimum à payer au propriétaire du café parche washed et de 3500 francs par kilo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le dis en titre, les troupes burundaises à mission de maintien de la paix dans le district de Chawadley de l'État fédéré de Irchabel en Somalie sur le pont unique facilitant le trafic sur la rivière d'Itchabel apprécient la collaboration avec la population et l'administration locale. Lieutenant-colonel Karenzo Emile, commandant du 72e bataillon qui sécurise cet endroit, explique que cette collaboration facilite aussi l'accès aux informations sur les opérations des islamistes Al-Shabaab, de même que la population et l'administration locale. Tous saluent l'intervention des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Omer Nouayo est de retour en provenance de l'État fédéré de Irchabel. Le 72e bataillon des troupes burundaises œuvrant dans le district de Chawadley couvre principalement la plaine de la rivière Chabel. Il sécurise le pont unique reliant ce district et le comté de Jamé Eko, occupé par l'Al-Shabaab. Lieutenant-colonel Emile Karenzo, commandant de ce bataillon, estime que la bonne relation qui règne entre la population et l'administration locale leur facilite cette tâche. Cette construction constitue l'un des ponts rares qui compte la Somalie. Ça ne facilite pas seulement la population locale parce qu'il intervient également lors d'échanges des marchandises. Nous le sécurisons puisqu'il constitue le seul passage que peuvent s'emprunter les soldats des groupes Al-Shabaab pour perturbation de la paix dans différents coins. Sinon, les pirogues utilisées par les habitants afin de franchir un autre côté ne sont pas adéquates pour le transport d'armes à feu. Notre coopération avec l'armée somalienne et la population locale est bonne en termes de communication. Les défis seraient liés à la méconnaissance de la langue somalienne, mais nous avons des interprètes qui nous aident. Une facilité reconnue aussi par l'armée nationale somalienne, SNEI. Alshir Ibrahim, l'agent du commandant de cette armée à Chawadreye, explique que le maintien de la paix et de la sécurité est la plus-value de cette coopération. Des changements ne manquent pas. Notre collaboration dans les initiatives de métiers de paix et sécurité garantit le bien-être de la population. L'administration à la base salue cette collaboration. Mos Mohamed Hassan, l'agent du chef du district de Chawadreye, indique que cela garantit la sécurité des citoyens. Les soldats burundais, de même que les soldats du groupe Al-Shabaab, ne peuvent franchir ce pont. Lieutenant-colonel Emile Karenzo explique que le motif est d'éviter les provocations. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique annonce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la continuité des apprentissages en cas des inondations. Dans un point de presse animé ce lundi, François Zarimana a déclaré que des moyens d'urgence ont été prévus pour cet effet. Il a en outre indiqué que le corps éducatif sera sensibilisé sur les conduites à tenir face à la variole du singe avant la rentrée scolaire. Écoutez le ministre de l'Éducation. Nous tenons à vous informer que les élèves des écoles reconnues inaptes à poursuivre les enseignements dans cette localité de Gatumba seront transférés dans d'autres écoles, chose que nous avons déjà commencé. Ensemble avec nos partenaires techniques et financiers, nous avons déjà prévu des fonds d'urgence pour que ces élèves puissent poursuivre les études en dehors des zones inondées. Nous prévoyons organiser une réunion à l'endroit de tous les responsables de l'éducation dans toutes les provinces pour leur prodiguer des conseils compte tenu de ceux donnés par le ministère de la Santé pour qu'ils puissent se protéger contre cette épidémie. Dernier dossier de ce journal dans l'actualité nationale, le feu tricolore facilitant la circulation des engins motorisés et des piétons à mairie de Bujumbura. Certains fonctionnent, d'autres sont en panne. Des personnes rencontrées sur le lieu, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, déplorent le fait que ces feux tricolores ne soient pas fonctionnels au moment où ils devraient diminuer les cas d'accidents dans certains coins. Les détails dans ce reportage constat de Lydie Gahimbat. Comme nous l'avons constaté, les poteaux de feux tricolores qui sont installés sur le boulevard de l'Iprona, tout près de Polyclinique Centrale de Bujumbura Polyseb, fonctionnent comme d'habitude. Que ce soit les conducteurs de véhicules, que ce soit les piétons, tous respectent ce feu, même s'il y a ceux qui les violent en se précipitant vite alors que le feu montre qu'ils devraient attendre. Nous avons également visité les poteaux de feux tricolores qui sont installés tout près du rond-point de la banque commerciale du Burundi, Banque Bon Siglé. Là, le feu qui facilite la circulation sont allumés. Mais sur les injonctions des routes tout près de la mutuelle de la fonction publique, le feu qui sont installés là-bas ne fonctionne pas, ce qui provoque des embouteillages et la circulation devient difficile pour les véhicules venant du centre-ville vers la zone Kanyosha. chat et ceux qui passent devant la mutuelle, tous se croisent au milieu de ces jonctions. Dans le quartier asiatique également, les poteaux de fer tricolore qui sont installés tout près de la Praudi étaient en panne au moment où nous arrivions à cet endroit. À côté de cela, un des poteaux de fer tricolore a été cogné par des conducteurs de véhicules. Des citadins rencontrés sur les lieux, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer, déplorent le fait que ces feux ne soient pas fonctionnels. Si le ces feux tricolores devraient fonctionner à temps plein afin de faciliter la circulation et diminuer les cas d'accidents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoa pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomananga. Bonne suite des programmes sur Sanganiro.